il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Je ne dis pas non, mais là n'est pas mon dessein. Je n'en veux qu'à tes saints. Je ne veux parler qu'à tes saints. Sur terre, un peu partout, retentit le tocsin. Je fais l'escalade vers des sommets plus sains. Je m'élève vers tes seins. Je ne veux parler qu'à tes seins. D'un rayonnement aigu d'invisible oursin, ils protègent leur tendre duvet de poussin. Innocent assassin, je ne veux parler qu'à tes seins. Ce poème maladroit, suspect mais succinct, je l'enfante comme si j'en étais enceint. Depuis Nice, où tes seins giclaient blancs dans l'or du bassin. Hop là, depuis Nice,